Occasion. Ça va, toi ? Super ! Ah bon ? Bah ouais, je booste mon moral avec le printemps Toyota Occasion. Un choix incroyable d'occasion, prêt à partir, des 5 euros par jour et garantie 3 ans. Mais c'est ça qu'il me faut ! Du 22 au 31 mai, ensoleillez vos journées avec le printemps Toyota Occasion. Exemple pour Aygo X-Play 5 portes occasion de 2018 avec 35 500 km. LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer 1 790 €, suivi de 48 loyers de 150 €, soit 5 euros par jour. Si acceptation par Toyota Financement. Dans la limite des stocks disponibles, conditions sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un homme qui aujourd'hui rase les murs, François Fillon. Façon Barry Lyndon, son parcours, c'est l'histoire d'un presque sans grade des gouvernements de Jacques Chirac qui soudain se hisse au plus haut niveau, ou presque, Premier ministre et qui chute brusquement. Le deuxième temps de son ascension débute en 2016. En opposition avec sa culture du chef, le parti néo-gaulliste organise pour la première fois des primaires pour la présidentielle de 2017. Compétition ouverte également aux candidats du centre, une autre composante de la droite. Nicolas Sarkozy, probablement persuadé qu'avec son aura d'ancien président, il va battre ses concurrents, tombe de haut. Car c'est François Fillon qui remporte la mise. Avec un discours propre à séduire la droite, genre du sang et des larmes, à savoir la suppression de 500 000 emplois publics, la fin des 35 heures et la retraite à 65 ans. Bien joué. Dans une primaire, comme lors du premier tour d'une élection, il faut rassembler son camp, parler à son camp. Mais un Fillon peut en cacher un autre. Et c'est ainsi qu'à travers ce qu'on appelle Penelope Gate, révélé par le Canard enchaîné, dès le début de la campagne présidentielle, les Français assistent en direct à la désintégration d'un candidat qui, de statut de favori, s'écroule et meurt politiquement à petit feu, jour après jour, comme une lente agonie. Nos invités aujourd'hui, deux journalistes de France Inter, Corinne Audouin, qui a couvert le premier procès Fillon, et Karine Bécard, qui, elle, a couvert la campagne présidentielle du même François Fillon. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Adrien Mora, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Dimanche 28 août 2016, 3 mois avant la primaire de la droite et du centre, 8 mois avant l'élection présidentielle, parc du château de Sablé-sur-Sarthe. 3000 personnes sont venues écouter François Fillon. La Sarthe, c'est chez lui, son fief. Maire, député, sénateur, président du conseil général, président du conseil régional, un CV bien rempli, parachevé par le poste de Premier ministre occupé de 2007 à 2012. Ce 28 août, en cette journée ensoleillée, cette star de la politique prend la parole peu après 15 heures. Ce jour-là, pas de cravate ni de veste de costume, François Fillon a même relevé les manches de sa chemise bleu clair. Il veut casser son image lisse de bon père de famille catholique. Mais il faut donner un coup de collier, car dans les sondages pour la primaire de la droite, il stagne autour de 10%, en tout cas loin de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé. Le candidat déroule ses thèmes dans un discours très préparé. Gaullisme, catholicisme, ruralité, libéralisme. Mais il va aussi taper fort contre son ancien président Nicolas Sarkozy. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Les bisbilles entre François Fillon et Nicolas Sarkozy ce n'est ni rare ni nouveau. 2 ans plus tôt, le châtelain de la Sarthe, il possède un château, avait déjeuné avec Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, pour inciter François Hollande à faire pression sur la justice pour mettre Sarkozy en examen. Nicolas Sarkozy, ce président qui avait tant méprisé son premier ministre en le qualifiant de collaborateur. Et que dire de la garde rapprochée de l'ancien chef de l'État. Elle surnommait le Premier ministre « Mr. Nobody » pour son manque de charisme réel ou supposé. Alors, François Fillon veut sa revanche. La stratégie est claire. TSF, tout sauf Sarko, et lui ravir la deuxième place pour accéder à la finale contre Alain Juppé. Le 27 octobre 2016, François Fillon est reçu par David Pujadas et Léa Salamé sur le plateau de l'émission politique sur France 2. Et il affiche une confiance presque insolente. Non, je n'ai pas d'autres perspectives, d'autres ambitions. Je ne suis candidat à rien d'autre que cette élection. Par malheur pour vous, vous perdez cette primaire. Est-ce que vous serez candidat aux législatives à Paris, M. Fillon ? Mais je vais gagner cette primaire. Bien. On enchaîne. Pensée positive. En ce soir du 27 octobre, il n'y a bien que François Fillon qui pense qu'il peut gagner la primaire. Même dans son entourage, on est sceptique. Certes, un bon score, une troisième place pourrait faire de lui le faiseur de roi entre Juppé et Sarkozy. Mais de là à se qualifier pour le second tour, François Fillon, lui, y croit. Et il accepte de dévoiler une partie de sa vie privée dans l'émission de Karine Lemarchand intitulée « Une ambition intime » diffusée le 6 novembre 2016. Quelle image vous pensez que les Français ont de vous ? Je pense qu'ils ont globalement une image de sérieux, d'honnêteté et d'engagement. Je vois bien à travers les caricatures qu'ils ont une image justement qui est trop sérieuse, une image peut-être de quelqu'un qui est même ennuyeux, qui est, voilà, ce qui n'est pas du tout la façon dont je me ressens. Mais je m'en préoccupe pas beaucoup. Pour casser son image d'homme ennuyeux, il évoque son passé d'élève turbulent, ponctué d'heures de colle et de travaux d'intérêt généraux. François, devenu bad boy, boit un petit verre de Saint-Émilion et laisse Mademoiselle Lemarchand dévoiler son thème astral. Monsieur Fillon est poisson, ascendant balance, ce qui est forcément bon pour la France parce que la balance, paraît-il, s'adapte à tout. Professionnel, celui qui serait futur président a bien conscience qu'il lui faut dérouler un récit, maître mot de la communication politique. Dont acte. Et ce fervent catholique se confesse. Ses rêves, pilote de course, guide de montagne ou encore photographe de renom. Fan de nouvelles technologies, il pilote même un drone devant les caméras de M6. Alors, Karine Marchand s'engouffre dans la brèche et lui pose une question fondamentale pour la vie et l'avenir des Français. Pourquoi n'a-t-il jamais songé à épiler ses gros sourcils ? Mais contre toute attente et au crédit de son talent, François Fillon, jugé austère autant que son programme, va se démarquer dans l'exercice des débats télévisés, selon une stratégie fort bien pensée. Au fil des trois débats, avec son credo « J'appartiens à la droite et j'en suis fier, je porte ses valeurs », il marque des points et amorce une vraie dynamique dans les sondages. À la fin du troisième débat, le 17 novembre 2016, David Pujadas lui donne la parole. François Fillon, votre conclusion. J'ai toujours dit la vérité aux Français. J'ai un programme qui, c'est vrai, n'est pas facile. Mais c'est le seul qui permettra la réussite de notre pays. Parce que c'est le seul qui rend aux Français leur liberté. La liberté de travailler, la liberté de réussir, la liberté d'éduquer ses enfants dans le respect des traditions et des valeurs françaises. Vendredi 18 novembre 2016, ultime sondage publié avant le vote. Pour la première fois, François Fillon est donné premier avec 30% devant Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, 29% tous les deux. Bref, le suspense est complet. Dimanche 20 novembre, c'est l'orange jour. La primaire de la droite et de son supplétif centriste est un succès. Plus de 4 300 000 Français sont allés voter. À 2 euros par personne, ce résultat remplit au passage les caisses du parti. Dans la soirée, les résultats du second tour arrivent. François Fillon l'emporte avec 44% des voix. Alain Juppé plafonne à 28% et Nicolas Sarkozy est humilié, 20%. Troisième. L'ancien président de la République, tombé brutalement de son piédestal, donne sa consigne de vote. L'idée que je me fais de mon devoir est de dire avec franchise, avec clarté, avec loyauté, que quels que soient mes désaccords passés avec lui, François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. Cet épisode électoral marque la fin officielle de l'ère Sarkozy. L'actualité politique lui montre sa sortie. Avec 44% des voix et le soutien tout de même de Nicolas Sarkozy, qui entre Fillon et Juppé a peut-être eu le sentiment de choisir entre la peste et le choléra, l'ancien Premier ministre est serein pour aborder le deuxième tour une semaine plus tard. Alain Juppé, lui, pense à abandonner. Au bout du compte, pas de surprise, presque 3,5 millions d'électeurs vont aux urnes, la participation est remarquable, le vainqueur n'en est que d'autant plus légitime. Il est de loin le grand champion de la soirée. Avec plus de 66% des voix, François Fillon s'impose devant Alain Juppé. Il est 21h passé quand il prend la parole. Pas de triomphalisme, le candidat de la droite est déjà en campagne. Je donne ce soir rendez-vous à tous ceux qui savent que le bonheur est une conquête. Je donne rendez-vous à tous ceux qui ont dans le cœur la fierté d'être français. ce soir-là pour François Fillon. Pas de champagne. Non, il fête sa victoire à sa manière. Il regarde quelques épisodes de The Crown sur Netflix, une série très réussie qui raconte la saga de la famille Windsor. Le plus dur est fait, pense-t-il. Alors il va prendre un peu de repos, un séjour en famille au ski. Mais du côté du Canard enchaîné, trois journalistes, Isabelle Barret, Hervé Liffrand et Christophe Nobili, commencent à enquêter sur lui. Et apparemment, ils ont des billes, comme on dit dans le métier. Désormais, François Fillon va être observé à la loupe. Isabelle Barret raconte dans l'émission Mécanique du journalisme, diffusée sur France Culture. À partir du moment où il remporte les primaires de la droite, il va falloir un peu refaire ce qu'on a fait pour tous les candidats à la présidentielle, c'est-à-dire se réintéresser à la personne, à son patrimoine notamment, à son train de vie, à tout ce qu'on aurait pu oublier de lui ou ne pas voir ces dernières années. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir un peu refaire le tour du bonhomme, si je puis dire. Les journalistes du Canard sortent d'abord un article le 30 novembre sur la société de conseil de François Fillon, de F Conseil. Bon, rien d'illégal, mais un business très lucratif qui détonne avec l'image austère du candidat sartois. Puis les deux journalistes tirent le fil et découvrent que son épouse, Pénélope, a été salariée de la revue des Deux Mondes, possédée par le milliardaire Marc Ladré de La Charrière, ami de François Fillon. Après vérification, il semble que Pénélope ait été payée près de 100 000 euros pour deux notes de lecture, rétribuées normalement 150 euros, pigiste habituel. Les journalistes du Canard gardent le scoop sous le coude et poursuivent leurs recherches. Le 1er décembre 2016, 5 mois avant l'élection présidentielle, François Hollande renonce à se présenter. Trop de faits politiques défavorables et d'erreurs de com', le président sortant est déjà sorti et il le sait, d'où son renoncement. François Fillon, lui, caracole en tête des sondages avec 28% des voix en moyenne. Bref, tout va pour le mieux. Mais il brille par son absence. Son porte-parole, Thierry Soler, qui le surnomme François Pignon, est agacé par son manque d'implication dans la campagne. Mardi 24 janvier, 3 mois avant la présidentielle, QG de François Fillon. En cette fin d'après-midi, le candidat et 200 membres de l'équipe de sa campagne sont rassemblés pour une galette des rois. On coupe les parts, la fève, tout ça, et surprise, passe un chat noir. Mauvais présage. Beaucoup en rigolent. Fillon est tellement haut dans les sondages, rien ne peut lui arriver. Et pourtant, en ce mardi 24 janvier, le Canard enchaîné s'apprête à lâcher une bombe. Une affaire d'emploi fictif qui concernerait la femme du candidat, Pénélope Fillon. À 3h38, le compte Twitter du journal satirique publie « Demain, dans le Canard, les 600 000 euros gagnés par Pénélope qui empoisonne Fillon ». Le lendemain, l'affaire Fillon fait la une de France Inter et de France 2. C'est le genre d'affaire qui peut coûter très cher à 3 mois de la présidentielle. La femme de François Fillon a-t-elle bénéficié de 2 emplois fictifs sur intervention de son mari ? À droite, François Fillon, épinglé par le Canard enchaîné. L'hebdomadaire révèle que son épouse a été rémunérée pendant des années à ses côtés pour 5000 euros par mois environ comme attachée parlementaire. Rien d'illégal, à condition d'être certain qu'elle exerçait réellement une activité. Ce 25 janvier, François Fillon est en visite à Bordeaux sur les terres d'Alain Juppé. La cinquantaine de journalistes qui le suivent ne lui parlent évidemment que des soupçons d'emploi fictif de son épouse, auquel il répond par un revers de la main. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient. Oui, mais vers 16h, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet national financier. Là, ça devient sérieux. Le lendemain, François Fillon est invité aux 20h de TF1. Là, il confie avoir aussi employé son fils et sa fille comme attachés parlementaires lorsqu'il était sénateur. Une tactique, en vérité, pour devancer d'hypothétiques nouvelles révélations. Mais le candidat va aussi lâcher une petite bombe à retardement pour lui-même. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que Je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi. Ça n'est pas le cas. Dans l'entourage du candidat, personne ne comprend cette déclaration. Toujours est-il que Fillon vient de se mettre la corde autour du cou, ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, bien sûr. Le 29 janvier, c'est son premier grand meeting de campagne à Paris. Actualité oblige, sa femme Pénélope est au centre de l'attention. À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Le lendemain, tout s'accélère. François Fillon est interrogé en compagnie de sa femme. Le 31 janvier, c'est l'Assemblée nationale qui est perquisitionnée, fait exceptionnel sous la Ve République. Le 1er février, le Canard enchaîné fait de nouvelles révélations. L'addition flambe, écrit-il. 330 000 euros de mieux pour Pénélope et 84 000 euros pour les enfants qui, eux aussi, ont été employés comme assistants parlementaires du candidat. Pour Pénélope, c'est au total 831 000 euros pour son poste d'assistante à l'Assemblée nationale et 100 000 pour ses deux piges à la revue des Deux Mondes. On dépasse le million. Le 2 février, l'émission Envoyé spécial diffuse sur France 2 un extrait d'une interview de Pénélope Fillon enregistrée en 2007. On écoute. Et voici la traduction. Je n'ai jamais été son assistante et je ne me suis pas occupé de sa communication non plus. Cette interview est dévastatrice pour le candidat. Vendredi 24 février, le parquet national financier ouvre une information judiciaire pilotée par le juge Serge Tourner, réputé inflexible y compris avec les hommes politiques. La preuve, il met François Fillon en examen. Le lendemain, 1er mars, nous sommes à 54 jours de l'élection. À 8h10, François Fillon fait savoir par une dépêche AFP qu'il ne viendra pas au salon de l'agriculture. À son QG, il reçoit, consulte et réfléchit. Que faire ? Il appelle Nicolas Sarkozy qui lui conseille de protéger sa famille, mais ne lui dit pas explicitement de renoncer. Au même moment, Rachida Dati prend le petit déjeuner dans le bureau de Nicolas Sarkozy, rue de Miromesnil à Paris. Elle raconte l'agitation qui règne dans le documentaire « Qui a tué François Fillon ?» produit et diffusé par BFM. Là, il y a François Baroin qui l'appelle, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, et chacun demande à ce que Sarkozy insiste pour que François Fillon se retire. À la faveur de chacun d'entre eux. Voilà. Tout le monde veut y aller. Bon, alors, et c'est vrai que Sarkozy essaye de, à un moment donné, leur dit « Mettez-vous d'accord ». La droite française est en ébullition. François Fillon a annoncé une conférence de presse à 12h30. Va-t-il abandonner ? Tous les bruits circulent, les téléphones chauffent. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen ? De Gaulle, non, effectivement. Fillon, si. Et cette fois, n'est pas supposition, mais réalité. J'oublie tout, tout, tout, tout, c'est bien trop, trop, Aujourd'hui, l'affaire Fillon. France Inter. Affaire sensible. Aujourd'hui, dans Affaire sensible, l'affaire du double assassinat de François Fillon et de l'élection présidentielle. Une affaire exceptionnelle, car juste après avoir été assassiné, la victime trouve la force de faire campagne pour être élu président de la République. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire et ces 4 millions d'électeurs parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. François Fillon décide donc de maintenir sa candidature malgré sa mise en examen et qui fait écho à beaucoup d'avis et d'opinions divergents au sein de la droite. Pour Bruno Le Maire, membre de l'équipe de campagne, François Fillon a franchi le Rubicon en maintenant sa candidature. Alors Le Maire claque la porte. Et c'est le début des défections dans les troupes du candidat. Viendra celle de Thierry Solaire, son porte-parole, et de Patrick Stefanini, son directeur de campagne, celui qui préside aux destinées des candidats perdants, dont récemment Valérie Pécresse. François Fillon, lui, mise tout sur un grand meeting. Au Trocadéro, ce sera le dimanche 5 mars. À droite, on pense désormais sérieusement à un plan B. Fillon est de moins en moins présentable. Il devient même épine dans le pied. Mais c'est le chaos, personne n'est d'accord. C'est la guerre des égos. Un nom se dégage tout de même. Juppé, après tout, c'est lui le finaliste de la primaire. Le samedi 4 mars, ce dernier appelle Nicolas Sarkozy une fois. Pas de réponse. Deux fois, rien. Il rappelle une troisième fois, toujours rien. Mais rien de personnel, non. C'est juste que ce soir-là, le PSG joue au Parc des Princes et c'est une règle d'or. L'ancien président ne répond jamais quand joue son équipe préférée. Sarkozy et Juppé finissent tout de même par se téléphoner et un scénario se dessine. Fillon a dit à Sarkozy qu'il se retirerait après le discours du Trocadéro, une sorte de baroud d'honneur. Dans ce cas, Sarkozy est d'accord pour que Juppé se présente à condition de faire un ticket avec François Baroin comme Premier ministre. Voilà pour la tambouille interne. Dimanche 5 mars, Paris, Trocadéro. Malgré la pluie, le froid et le vent, des dizaines de milliers de militants se rassemblent sur l'esplanade. Les parapluies et les drapeaux français sont de sortie. François Fillon prend la parole dans ce meeting de la dernière chance. Mes chers compatriotes, ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls ? Ragaillardi par le succès du Trocadéro, François Fillon prend une décision. Continuer, oui, et coûte que coûte, et ce malgré les promesses qu'il aurait faites à son camp de se retirer, notamment à Nicolas Sarkozy. Après le meeting des Trocadéro, François Fillon fait son annonce au JT de France 2. Personne n'a le pouvoir de m'obliger à retirer ma candidature. Ça ne veut pas dire que je ne discute pas, que je n'écoute pas, que je ne suis pas prêt à dialoguer. Cela veut dire mais quoi, je veux dire François simplement Fillon. Que c'est ma décision, et cette décision, elle a été aujourd'hui confortée par ce rassemblement populaire dont tout le monde pensait qu'il serait un échec et qui a été une réussite. Question simple. Allez-vous retirer votre candidature, oui ou non ? La réponse est non. Jamais, à aucun... La réponse est non. À 20h27, Alain Juppé publie un tweet. Je ferai une déclaration à la presse demain à Bordeaux à 10h30. Ses soutiens l'ont compris. Il va jeter l'éponge, écœuré par le jusqu'au boutisme de Fillon. Benoît Apparu et Gilles Boyer, deux fidèles juppéistes, prennent alors la route à 3h du matin. De Paris, direction Bordeaux, avec une mission, convaincre Juppé d'attendre un peu. Arrivé à 9h30, ils échouent. Alain Juppé s'estime trop vieux, déjà condamné sans le soutien de François Bayrou, ni celui des sarkozistes et des fillonistes. Alors il prend la parole quelques minutes plus tard. Je n'ai pas l'intention de m'engager dans des tractations partisanes, ni des marchandages de poste. Pour un gaulliste, ce n'est pas l'esprit de l'élection présidentielle. Je ne suis donc pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement autour d'un projet fédérateur et c'est pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Samedi 11 mars, 45 jours avant la présidentielle, QG de François Fillon, qui vient d'apprendre que le JDD va publier le lendemain un article sur une affaire de costume qu'on lui a offert. Ce cadeau, c'est celui de son ami avocat Robert Bourgi, figure de la France-Afrique, qui le lui a offert après la victoire à la primaire. Bourgi a été très choqué par l'attaque de Fillon en août dernier, qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Et surtout, depuis sa victoire, le candidat le snob. Alors dès le 10 janvier, il va voir Nicolas Sarkozy, avec qui il est ami également. Et il exprime son désir de vengeance. Oui, il raconte la scène dans le documentaire de BFM qui a tué François Fillon. Il me dit « ça va Robert, lui ça va ?»« Je te trouve bizarre. » J'ai la grosse colère. Il me dit « mon Dieu, qui c'est qui va souffrir ?» Et j'ai eu cette phrase. Je dis « je vais le niquer. » Il ne s'en remettra pas. Sarkozy ne m'a jamais dit « tue-le ». L'expression « il ne m'a pas retenu le bras », ce qui est la réalité. Mais même s'il m'avait retenu le bras, je l'aurais fait. Dimanche 12 mars, un article intitulé « Les mystérieux paiements des costumes de Fillon » sort dans le JDD. On parle de costumes à plusieurs milliers d'euros. L'image est désastreuse. Et c'est de nouveau la consternation dans le clan Fillon. Mais enfin, comment a-t-il pu se faire piéger comme ça? Et l'intéressé n'est pas au bout de ses peines. Deux jours plus tard, il est officiellement mis en examen. Et cela fait la une de France Inter et de France 2. France Inter. François Fillon a donc été mis en examen avec un jour d'avance sur la date prévue. Certains diront « et alors ?» puisque l'issue de la convocation ne faisait guère de doute. L'explication tient simplement au fait que la justice et sans doute l'intéressé ont souhaité éviter l'inévitable couverture médiatique qui aurait accompagné l'événement demain. François Fillon avait pris les devants et il l'avait annoncé lui-même il y a une dizaine de jours. La justice l'a donc mis en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants. C'est une première dans une présidentielle. J'ai eu tort de les accepter. J'ai eu tort, je vois que ça a choqué beaucoup de gens. J'ai fait une erreur de jugement. Et donc ces costumes, je les ai rendus. Vous les avez rendus ? Je les ai rendus à celui qui me les a offerts, tout en lui conservant mon affection. C'était une erreur. Vous les aviez portés ? Oui, je les avais portés. Oui, je les avais portés. Oui, je vous dis la vérité. Voilà, et ça ne m'a pas empêché de les rendre. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est une illégalité totale. Comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur des informations qui lui sont apportées en permanence. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir. En tout cas, à travers ses allégations. François Fillon crie donc au complot. Et toutes les sorties du candidat sont ponctuées de casserolades et de cris. Fillon rend l'argent. Deux semaines plus tard, le 4 avril, 20 jours avant l'élection, lors du débat du premier tour de la présidentielle, François Fillon fait face aux attaques frontales de Philippe Poutou. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal. Une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc, il y a quand même un petit problème Poutou, de ce côté-là. Là, dans, après, vous monsieur pourrez parler. Poutou, non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, non, d'accord. Hein, oui. Ah, merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Hein, quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Nous, par rapport à la dette, nous on pense qu'il faut annuler la dette, c'est effectivement, parce que la dette, ben, c'est vraiment un système de pompage des richesses qui remplit les coffres forts des banques. Pourtant, malgré ce chaos, le candidat des Républicains est toujours mesuré à 20% des voix selon différents sondages. De quoi espérer dépasser Emmanuel Macron ou Marine Le Pen dans la dernière ligne droite. C'est un peu la stratégie du martyr. François Fillon en Saint-Sébastien de la politique. On veut le faire tomber. C'est un complot. Et autant de soutiens compatissants à droite. Le 23 avril, c'est le jour J. Laurent Delahousse annonce les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Qui sont les qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle? Vous voyez apparaître le décompte. Nous y sommes à 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Et François Fillon termine troisième à 450 000 voix de Marine Le Pen. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que la droite n'est pas au second tour. dans la soirée. François Fillon donne sa consigne de vote. Je vous l'assure, l'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. On connaît la suite. Emmanuel Macron devient président. Et François Fillon quitte la vie politique, désormais libre d'aller vendre des rillettes sur la place Rouge, selon ses propres mots. En 2017, il intègre Tikko Capital, une entreprise de gestion d'actifs et d'investissement. Et en 2021, il rejoint les conseils d'administration de deux sociétés russes, le groupe pétrolier Zarubezhneft et Sibour, un géant de la pétrochimie. Le 9 mai 2022, 5 ans après sa défaite, François Fillon est condamné en appel pour l'affaire des emplois fictifs à l'Assemblée et à la Revue des Deux Mondes. François Fillon a été condamné en appel à 1 an de prison ferme et 3 ans avec sursis dans l'affaire de l'emploi fictif de son épouse. Pénélope Fillon écope, elle, de 2 ans avec sursis. Chacun d'eux doit s'acquitter d'une amende de 375 000 euros. Mais le couple va se pourvoir en cassation. À la présidentielle suivante, donc en 2022, la candidate qui porte les couleurs de la famille politique de François Fillon, Valérie Pécresse, réalise un score historiquement bas, 4,78% des voix. Alors, Fillon fossoyeur de la droite? Point d'interrogation, un sujet pour Sciences Po. L'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, toi, l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne verses-tu jamais en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, en attendant le retour d'un Ulysse de banlieue, penché sur tes travaux de toile, les soirs de vague à l'âme et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve au ciel d'un autre lit, compter de nouvelles étoiles, compter de nouvelles étoiles. Jamais encore appelé de tes voeux l'amourette qui passe, qui vous prend aux cheveux, qui vous compte la bagatelle, qui met la marguerite au jardin potager, la pomme défendue aux branches du verger, et le désordre à vos dentelles, et le désordre à vos dentelles. Jamais souhaité le revoir en chemin, cet ange, ce démon qui son arc à la main décoche des flèches malignes, qui rend leur chair de femme au plus froid de statue, les bouscule de leur socle, bascule leur vertu, arrache leurs feuilles de vigne, arrache leurs feuilles de vigne. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Fillon. Nos invités, aujourd'hui puisés dans le réservoir de talents et de compétences de la rédaction de France, mais c'est vrai. Corinne Audouin, bonjour. Bonjour Vous Fabrice. Vous avez couvert le premier procès Fillon. Karine Descartes, bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Vous avez couvert la campagne présidentielle de François Fillon. On va commencer par le volet judiciaire, mais il peut y avoir une interaction entre les deux, donc n'hésitez pas mesdames. D'abord Corinne, quelle a été l'attitude de François Fillon lors de l'audience, enfin, des audiences du second procès? Alors ce procès se passe 3 ans après, on est en février 2020, donc 3 ans après cette déroute, on a envie de dire, à l'élection présidentielle. Il a dit pendant toute l'instruction, on l'a entendu dans le récit qu'on vient d'écouter, il y a un cabinet noir, l'Élysée est derrière, je prouverai, je montrerai, donc... petite curiosité légitime de se dire, est-ce qu'il va balancer? Est-ce qu'il va dire alors? Oui. Puisqu'il parle d'assassinat, mais qui est le commanditaire finalement? Et en fait, une forme de déception, peut-être, ou de retour à la, quelque chose d'une, une défense un peu plus habituelle, on va dire. Il a, on a vraiment le sentiment qu'il a complètement tourné la page, de la politique, que vraiment c'est plus du tout, il est plus du tout là-dedans. Mais par contre, on sent chez lui, moi je le connais pas intimement, je l'ai pas suivi comme Karine, mais quelque chose dehors de la rancune très très forte. Il a un regard très noir, même quand il regarde les journalistes sur les bancs de la presse, c'est vraiment s'il pouvait nous fusiller du regard. Enfin, c'est vraiment assez assez impressionnant. Il y a une forme de dureté. À la barre, il est assez sûr de lui parce qu'il a cette aisance à l'oral, donc il défend de manière tout à fait voilà, tout à fait claire et franche ce qu'a fait sa femme pour lui. Il dit oui, elle a travaillé et vous êtes. C'est drôle parce que là aussi il le dit dans le récit, il dit au parquet national financier qui a donc qui représente la poursuite au procès, il dit vous êtes des misogynes, ma femme elle faisait des tas de choses et vous me dites mais est-ce que ce n'est pas le rôle social finalement de la femme d'un parlementaire parce que elle reçoit les administrés qui veulent faire sauter une classe à leur enfant parce qu'elle fait un plan de table pour un déjeuner, tout ce que le parquet qualifie d'un peu anodin. Et lui, il dit, mais enfin, c'est un vrai travail, et parce que c'est une femme, vous estimez que ça ne mérite pas salaire, vous avez une vision complètement archaïque. Donc, il a cette ligne de défense, qui est assez, assez drôle, et une autre ligne de défense, qui est la séparation des pouvoirs, en disant, je suis député, j'ai une enveloppe pour payer mes collaborateurs, et j'en fais ce que j'en veux. Mmh. Et c'est pas à vous, la justice, de regarder là-dedans. Je fais ce que je veux avec. Et il dit même, cette phrase qui était assez géniale, il dit, ça a pas trop mal marché, parce que j'ai quand même été réélu 7 ou 8 fois député de la Sarthe. Donc il y a une forme d'arrogance, comme ça, de dureté, et ça donne à l'audience un ping-pong verbal assez acide avec les représentants mais du parquet. Dans l'attitude, moi, parce que je vais voir forcément... Aussi, hein, bah, j'étais très intriguée de revoir François Fillon, que j'avais suivi effectivement pendant très longtemps, enfin pendant 5 ans. Et dans l'attitude, je retrouve exactement le Premier ministre que j'avais suivi effectivement entre 2007 et 2012 et surtout celui qui a attendu pendant très longtemps d'avoir le droit d'être candidat à la primaire puis éventuellement de devenir le président de la France. Je retrouve vraiment cette attitude, c'est-à-dire de personnage très froid, très austère, très dur, et nous le temps où on l'a suivi, c'était quelqu'un qui ne s'exprimait, qui ne nous parlait pas, qui nous regardait. Donc c'était déjà pareil. Bien sûr. D'accord. Qui nous regardait avec un certain mépris, voire une certaine arrogance, et qui décidait des rares moments où il nous accordait un instant. Et autant par exemple avec Nicolas Sarkozy, il y avait toujours des échanges, des cafés, des moments. Et au procès de Nicolas Sarkozy, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, il y a vraiment aussi une différence à l'audience dans les procès que j'ai pu suivre, notamment de l'affaire Bismuth. Alors voilà, moi, Nicolas Sarkozy, ouais. Je n'y suis pas allée. Mais en tout cas, je retrouve à ce moment-là, au procès, le Fillon très froid, très fermé, très dur, très arrogant, que j'ai toujours connu, en fait. Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, il reconnaît, on l'a entendu aussi dans la presse, il reconnaît les costumes. L'histoire des costumes, Robert Bourgis lui a offert 4 costumes, 18 000 euros. Il n'est pas poursuivi pour ça. Parce que l'enquête appréhensible, l'enquête a été menée, il n'y a pas de contrepartie. À partir du moment où il n'y a pas de contrepartie, c'est pas de la corruption, donc il n'est pas poursuivi. Donc il ne reconnaît, il reconnaît des choses pour lesquelles il n'est pas poursuivi, ce qui est là aussi une stratégie de défense, on va dire peut-être un petit peu habituelle. Et autrement, il se défend pied à pied. Il dit ma femme. Alors la présidente déroule les montants parce qu'elle était payée. Non seulement on se demande un peu la réalité de son travail, mais elle était extrêmement bien payée. Elle était payée 2-3 fois plus cher que ses autres assistants parlementaires. Il dit mais c'était la plus diplômée, c'était la meilleure. Il a une espèce de réponse à tout comme ça, de ça cingle. Et évidemment, le contraste avec elle est alors, très justement, très fort. J'allais vous demander quelle est l'attitude de Pénélope Fillon. Alors Pénélope Fillon, c'est la grande inconnue parce qu'évidemment on ne la connaît pas. Elle ne s'est jamais exprimée. Depuis le début de l'affaire. On la voit aux côtés de François Fillon dans les meetings où on cadre évidemment le couple pour montrer qu'ils sont unis, qu'ils sont ensemble. Elle a un côté extrêmement discret, même dans la voix. C'est-à-dire François Fillon, il a une voix qui porte assez timbrée. Elle a une voix très douce. Elle a un accent britannique assez fort qui fait qu'elle... Parfois, elle s'embrouille un peu dans ce qu'elle veut dire. Et on sent qu'elle a été extrêmement préparée. C'est-à-dire qu'elle vient à la barre, elle dit ce qu'elle a à dire. Il y a des éléments de langage, comme elle dit. Elle dit, moi, j'étais les yeux et les oreilles de François dans la Sarthe. Je lui racontais tout. Oui, j'écrivais pas, mais parce que je sais pas me servir d'un ordinateur, parce qu'on n'a pas retrouvé de traces écrites de ce travail. Donc elle dit, oui, j'écrivais sur des feuilles volantes. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a achetées. Voilà, donc il y a... des réponses comme ça, mais qui sont un peu évanescentes. Et elle est très vite déstabilisée. Est-ce qu'un effet boomerang, par exemple, pardon de... Vous en prie. Parce qu'on est... Il y a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'un effet boomerang de l'interview qu'elle avait donnée au Sunday Telegraph en 2007 où elle disait, ah non, moi j'occupe de rien. Oui, oui, elle dit, je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. On peut pas faire plus clair. Et dans cette même interview, elle dit, mes enfants m'ont toujours vu comme une maman qui ne travaille pas. J'aurais voulu chercher un travail à la naissance du petit, mais finalement il y a eu la naissance du petit dernier. Donc elle se présente comme une femme un peu dépressive, peut-être un petit peu exagérée, mais en tout cas un peu frustrée de pas vraiment avoir travaillé, alors qu'elle est effectivement diplômée, un diplôme de solliciteur donc du droit britannique, puisqu'elle est galloise, il faut le rappeler. Et mais cette femme qui n'a pas travaillé, voilà, elle le dit de manière... Effectivement, quand elle est confrontée à ça, à la barre, elle est très très embêtée, elle sait pas quoi dire. Donc elle trouve une explication très alambiquée pour dire « c'est parce que les Anglais voulaient me faire dire que j'étais très influente, donc j'ai minimisé mon rôle, je fais de l'understatement très britannique, pour pas qu'on me dise que je touchais à la politique. » Mais ça marche pas trop, c'est-à-dire qu'elle, elle a pas cet aplomb. Elle est assez vite déstabilisée, d'ailleurs le parquet, à un moment, les représentants du parquet disent « on a un petit peu de la peine pour vous, Madame Fillon, on est en empathie avec vous », ce qui a fait des hurlements sur les bancs de la Défense, mais c'est vrai que c'est ce que ressentait presque toute la salle d'audience, on la sentait vraiment pas très à l'aise. Non, c'est Karine François Fillon, vraiment, je voulais juste ajouter ça, qui effectivement tire toutes les ficelles. Elle suit, elle a toujours été juste la suiveuse. C'est vrai qu'à Sablé-sur-Sarthe, moi, à chaque fois que j'y suis, je me suis déplacée, elle était toujours là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, François Fillon considère que voilà, ce qu'il a fait d'elle, la manière dont il l'a utilisée, il avait bien le droit de le faire. Parce qu'il a été 10 ou 15 ans ministre, parce qu'il a été 5 ans Premier ministre, et que la France lui devait bien ça. Et que la France devait comprendre. En fait, vraiment, dans l'état d'esprit, je veux dire, c'est important en politique, hein, vraiment, la psychologie des politiques, et sa psychologie à lui, c'est de considérer que il avait l'argent pour le faire, et même si ça coûtait un peu, la France lui devait bien ça. C'est vraiment l'idée. Je veux juste rebondir sur ce que dit Karine, parce qu'effectivement, ce qu'a montré le procès, ils étaient poursuivis pour les montants perçus par Pénélope Fillon entre 1998 et 2013. Bon, à la fin, là, ils ont été relaxés pour la période 98-2002, ça c'est pour être exact. Mais dans le procès, on est remonté bien avant. On est remonté au tout début, parce qu'il faut comprendre le contexte. Et alors ça, moi, c'était vraiment une découverte de ce procès. Ils se marient en 1980, Pénélope et François. Il est élu député en 81. Il a 27 ans, c'est le plus jeune député de France. Et dès 81, il commande à Pénélope Fillon un rapport sur l'aménagement du bocage sabolien, payé 30 000 francs de l'époque. Enfin, voilà, je veux dire, ça commence là. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est vraiment dans le jugement tel que c'est écrit, c'est il y a la mise en place d'un système pour maximiser tout ce qu'on peut tirer comme argent du système, Le château coûte très cher, quand même. Quand on fait des contrats, c'est parce qu'il reste de l'argent sur l'enveloppe. Ça serait quand même dommage de le rendre. Et on estime qu'on y a droit, je pense. C'est ce que dit Karine. Et en même temps, ça n'est jamais assumé, évidemment, comme ça. Donc, on dit qu'elle a vraiment travaillé et que ça méritait ce salaire. Karine, une minute maintenant encore. Le parquet national financier a bouclé fin janvier 2023 son enquête portant sur les conditions dans lesquelles François Fillon a employé en tant qu'assistant parlementaire l'écrivain Maël Renoir entre novembre 2013 et septembre 2015. Vous pouvez nous parler de ce volet-là. Donc, suite à ce premier volet, il y a eu d'autres révélations dans la presse. Cette fois, c'est BuzzFeed qui a révélé cette affaire. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que 2013-2015, c'est après Pénélope Fillon. Pénélope Fillon est la collaboratrice parlementaire de François Fillon, puis de Marc Joulot, son suppléant, puis à nouveau de François Fillon. Et ça s'arrête en 2013. Et ça s'arrête à un moment où la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique demande aux députés de déclarer les noms de leurs collaborateurs. Parce que jusque-là, elle est un peu planquée, elle n'est pas dans le trombinoscope, elle n'est pas à l'Assemblée. Il y a plein de gens d'ailleurs qui ne savent pas qu'elle est collaboratrice parlementaire. Et là, il faut donner le nom. Et là, le contrat s'arrête. Alors François Fillon a dit « rien à voir ». D'accord. Et à partir de là, il embauche quelqu'un d'autre, Maël Renoir, et ce que révèle BuzzFeed et ce sur quoi porte l'enquête du parquet, c'est qu'il aurait surtout été rémunéré à écrire le livre du candidat, son livre-programme qui s'appelait « Faire ». Et là, tout le débat est de savoir est-ce qu'un assistant parlementaire peut aussi avoir un rôle politique et d'écriture. En tout cas, l'enquête est terminée. Maintenant, il reste des actes à faire et peut-être un nouveau procès Fillon, mais c'est pas encore sûr à ce stade-là. Voilà. Et donc, on rappelle pour l'ensemble de l'affaire que François Fillon a été condamné à 4 ans de prison, dont un ferme, ainsi qu'à 10 ans. Ça veut dire que c'est aménageable, hein, c'est important. Ça veut dire qu'il n'ira pas en prison derrière les barreaux. Oui. Il s'est pourvu en cassation, on attend l'attendu, comment on dit pour la cassation ? L'arrêt de la Cour de cassation, absolument. D'ici quelques mois, sans doute. On parle politique dans 2 minutes et demie. On écoute Gabriel's Offering. Don't want your love and one no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my dues. Won't let you get me twice. Mama ain't raised no fool, I know you. To kill a mockingbird bright. My daddy taught me a thing or two. You better heed my advice. This thing was meant Inter. Affaires sensibles. Aujourd'hui, l'affaire Fillon, avec comme invité Corinne Audouin, qui journaliste à France Inter, bien sûr, qui nous a raconté le procès, enfin, la procédure judiciaire. Et maintenant, avec Karine Bécard, que vous retrouvez tous les week-ends de 6h à 9h sur France Inter et dans Questions politiques, le dimanche de midi à 13h, avec Karine Bécard, on va parler de la dimension politique. Quelle position occupait François Fillon au sein de la droite avant la primaire? Comment était-il considéré? Était-il considéré un peu comme un Édouard Philippe aujourd'hui, qui était ancien Premier ministre et dont on dit qu'il a un destin pour la prochaine présidentielle? Non, on ne le voyait pas comme Édouard Philippe aujourd'hui. Il faut dire que la droite, à l'époque, présentait quand même énormément de personnalités fortes. Il faut se souvenir de, même parmi les jeunes, je pense à Bruno Le Maire, par exemple, à Nathalie Kosciusko-Morizet qui était là. Il y avait Alain Juppé qui était toujours là également. Donc, François Fillon, ça restait, l'expression va vous paraître peut-être un peu dure, mais le petit chose, en fait, enfin celui qui avait été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, le collaborateur, comme ça a été très bien rappelé dans le récit qu'on a entendu, et donc on le voyait pas prendre un rôle important. Donc personne, d'ailleurs, ne le voyait gagner cette primaire. C'était l'éternel numéro 2, c'est-à-dire c'était le type qui avait bossé dans pas mal de ministères, qui avait fait des choses, hein, on l'a d'ailleurs oublié, mais il n'avait pas un rôle du tout central à droite. Et puis, il gagne cette primaire, alors nous, il faut dire quand même qu'on le voit vraiment, hein, la gagner, c'est-à-dire que nous, ça faisait quelques semaines qu'on voyait que dans ses meetings... La stratégie est très bonne, elle est très bonne. Alors la stratégie est très bonne, c'est-à-dire en fait, il sait à qui il parle, certes il parle à son électorat, mais surtout il parle aux chefs d'entreprise. Il parle aux leaders d'opinion. Et donc du coup, ça prend effectivement tout l'électorat de droite qui se reconnaît en lui dans ce discours très libéral et plutôt très très conservateur aussi. Donc il gagne cette primaire, nous on le sent effectivement parce qu'il y a une dynamique dans ces meetings qu'on n'a absolument pas dans les meetings de Juppé à l'époque et pas tellement dans les meetings de Sarko non plus, qui n'aime pas en fait les meetings. Sarko, il n'aime pas ça, dire tout ça l'ennuie profondément, serrer des mains. Ouais, il aime pas tellement ça. Et donc du coup, il remporte cette primaire. Le problème, c'est que il est pas fait pour l'étape d'après. Il est pas fait pour gérer le rassemblement de la droite. Comme il a toujours été mis un peu de côté à droite, au moment où il faut rassembler les jupéistes, parce que une primaire, ça divise une famille politique. Tout d'un coup, il y a les jupéistes, les sarkozystes, ceux qui sont proches, enfin qui sont derrière Bruno Le Maire, dont je parlais tout à l'heure. Et pour la droite, c'est une révolution culturelle. Alors en plus, oui, c'est une révolution. Mais du coup, ça a vraiment créé des tensions. Et donc, il va falloir savoir rassembler autant un Sarko, pour le coup, enfin Nicolas Sarkozy, sait faire ça. Je ne sais pas si Alain Juppé aurait su faire ça. En tout cas, moi, journaliste politique qui l'observais, je me disais, mon Dieu, comment il va s'y prendre ? Parce qu'il ne sait pas organiser les ralliements. C'est-à-dire, il ne sait pas traiter les gens. Voilà. Alors, je me souviens de commentaires qui disaient, après la victoire de François Fillon à la primaire, ça va être probablement le prochain président de la République. Sauf que j'ai observé, à la fois à cette époque-là, je me suis replongé dans le dossier, j'ai observé que sa cote de popularité n'a pas cessé de baisser dès le lendemain de sa victoire à la primaire et jusqu'à l'affaire. Est-ce que ça veut dire que, on va pas faire de politique fiction, mais est-ce que l'affaire explique tout de son échec, finalement? Alors, non, je pense que c'est pas l'affaire. Je pense que, et c'est d'ailleurs ce qui explique la situation de la droite aujourd'hui, mais on va avoir sans doute l'occasion de le redire. En fait, le programme de François Fillon est d'une dureté implacable. Il fait peur. C'est-à-dire, souvenons-nous ce qui s'est passé ici, dans ce studio de France Inter, le 511 dans lequel on est aujourd'hui. C'est, on reçoit Jérôme Chartier, qui est un de ses porte-parole. Et Jérôme Chartier nous explique que, notamment sur la sécurité sociale, tous les remboursements ne seront plus les mêmes. Il y aura les petits rhumes et les gros rhumes. Souvenez-vous des petits rhumes et des gros rhumes. C'est-à-dire qu'on comprend qu'avec Fillon, ça va être extrêmement dur. C'est-à-dire, non seulement il y aura 500 000 fonctionnaires en moins, non seulement la retraite, elle sera sans doute à 65 ou 67 ans, et les remboursements de la Sécu, quand c'est un petit bobo, on sera plus remboursé. Donc, ce programme était sans doute pas fait pour gagner. Et en fait, la grande interrogation, c'est, il réussit au final à faire 20 points, à faire 20%, ce qui est énorme, mais c'est vraiment parce que l'électorat de droite est chauffé à blanc, c'est-à-dire que vraiment cet électorat de droite a le sentiment qu'on est en train de lui voler cette élection présidentielle parce qu'il y a des affaires, alors qu'en fait, probablement s'il n'y avait pas eu toutes ces affaires, je ne suis moi en tout cas pas du tout certaine. On est d'accord donc. Non, bien sûr. Voilà. Ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que dit Karine, c'est qu'au procès, les procureurs du parquet national financier, qui sont taquins, aimaient beaucoup à citer quelques phrases de François Fillon. Je me souviens notamment de celle-ci. François Fillon avait parlé de ceux qui ne font rien et qui touchent de l'argent public à ne rien faire. Il lui ressortait régulièrement ça. Est-ce que ça, c'était pas particulièrement douloureux pour lui d'être finalement accusé d'avoir été un peu un fainéant, mais enfin quelqu'un qui touche de l'argent public? C'est son honneur là qui était touché dans ce procès. C'est l'image qu'il veut donner de lui, en plus, de quelqu'un pour qui il faut travailler pour gagner de l'argent, et lui on voit quelqu'un qui a profité du système, qui est ce qu'il dénonce à longueur de temps. Voilà, mais je pense qu'il ne se voit absolument pas comme un profiteur du système. Je pense encore une fois, vraiment psychologiquement, il pense qu'il a beaucoup donné pour la France, mais il faut quand même rappeler, enfin là je vais un peu défendre la classe politique, mais on oublie que les salaires, les rémunérations, les défraiements sont nettement moins que des grands chefs d'entreprise. Ça reste des gens qui bossent 7 jours sur 7. Il aurait gagné plus dans le privé, c'est clair. Il considérait qu'on lui devait bien ça, encore une fois. Deux questions en une minute et demie, Karine Bécart, voilà. Quel était le rôle exact de Sarkozy dans cette affaire-là? Sarko a toujours considéré effectivement Fillon comme son collab. Je pense que l'entourage de Sarko a fait sans doute beaucoup plus mal, et surtout cet entourage considérait qu'il devait être traité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, François Fillon ne s'est pas traité. Par traité, je veux dire leur donner des places, leur faire une petite caresse dans le dos et lui dire qu'ils sont très très importants. Voilà, François Fillon avait souffert avec les sarkozystes, il n'avait pas du tout envie de leur dérouler le tapis rouge. Alors le score de François Fillon est de 20%, à ce moment-là, on ne peut pas se dire la droite est morte, parce que 20%, c'est pas mal comme socle pour l'avenir, c'est plein de promesses. Bien sûr. Sauf que la candidate qui représente cette famille politique, Valérie Pécresse, 5 ans plus tard, fait moins de 5%. Donc est-ce qu'on peut dire que Fillon a été fossoyeur de la droite dite traditionnelle, ou est-ce qu'il a participé à ça, finalement? Moi, je crois que oui, et clairement, et c'est exactement ce qu'on est en train de lire aujourd'hui dans la classe politique, c'est-à-dire cette droite qui est en train de... qui est en train de se diviser, qui est en train de se disloquer. Ce qu'on observe en ce moment à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire cette droite qui est rarement capable de voter d'un seul homme, et on l'a vu notamment sur la réforme des retraites, vient effectivement de ce qui s'est passé sous Fillon. C'est-à-dire que Fillon a lui imposé des remèdes de cheval en disant voilà, moins de 500 000 fonctionnaires, une retraite très forte, etc. Il y a toute une partie de la droite qui est une droite populaire, qui vient de la droite Sarko et qui partage pas en fait ces idées-là. Et ces deux droites-là ne se sont toujours pas réconciliées. Ce sera le mot de la fin à Karine Bécart. Merci Karine et Corinne Audouin et Karine Bécart. Merci de vos éclairages. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Fillon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Ficheux.